Salut à tous, bienvenue dans Overdrive. C'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Dio en ouverture. Kiss et son album culte Live Alive One avec le morceau Cold Gin pour annoncer le triste décès du guitariste Ace Frehley qui a eu lieu hier, du coup, âgé de 74 ans. Il serait décédé d'une mauvaise chute. Le guitariste était toujours actif, il venait de sortir de nombreux albums solo, notamment des albums de reprise ces dernières années, et on a diffusé donc cet album qui a plus maintenant de 50 ans, album culte parmi les albums cultes, Cold Gin, sur lequel on retrouvait son, on va dire, son guitare assez personnelle. On devrait en repasser un petit peu ce soir du Kiss, avec bien entendu peut-être un autre extrait de cet album Alive One, ou alors l'album Love Gone. Il est temps de passer maintenant aux sorties de la semaine avec le groupe Sabaton. Sabaton qui nous revient pour les amateurs de power metal, toujours guerrier dans ses thèmes. Le groupe nous revient avec l'album Legends et le morceau Odds of Can qu'on va écouter tout de suite sur le 895 de Radio Dio. Bienvenue dans Overdrive. On se cale derrière son rocking chair, peut-être une bière à la main, et on s'installe dans, derrière son tuner. Overdrive, ce sera parti avec le groupe Sabaton, l'album Legends et le morceau Odds of Can. Tout de suite, dès que la patine sera prête à démarrer d'ici quelques petits instants. We'll be right back. Et on continue maintenant avec le groupe Battle Beast et ce morceau Steelbound qui voit le jour aujourd'hui même du côté de Nuclear Blast. On envoie ça tout de suite, toujours sur Overdrive Radio Duo. Après Sabaton, ce sera Battle Beast pour les amateurs de power metal. Également pour les amateurs de heavy metal progressif américain dans la veine d'un Queensryche ou autre Crimson Glory, vous adorez le groupe Wings of Steel qui sort là son deuxième album Winds of Time sur High Roller Records. Un excellent groupe, une superbe voix également, qui ferait penser à un certain Midnight. Et on s'envoie tout de suite le morceau Saints and Sinners, extrait de cet album Winds of Time par le groupe Wings of Steel, tout de suite pour les amateurs de heavy metal traditionnel. Et encore une fois, super bien ficelé, il faut quand même le rappeler, on n'est pas ici sur de la copie ou autre, on va dire, chose de bas étage. Vous venez d'entendre le groupe Wings of Steel. Si vous ne connaissez pas ce projet de heavy metal américain, on est là sur les plates-bandes d'un Midnight ou autre, ancien Clemson Glory, donc assez loin de ce qu'on appelle le power metal moderne, que je ne suis pas vraiment très fan, comme Sabaton ou autre Battle Beast que vous venez d'entendre un peu plus tôt, mais qui ont malgré tout beaucoup de succès à travers le monde et qui ont une place de choix même sur les festivals. Bref, faites votre avis, c'est tout ce qui importe. On va continuer maintenant avec le groupe Rage. Rage qui nous revient avec son dernier album paru sur SPV, ça s'appelle A New World Rising. Ils ont sorti le morceau qui s'appelle Against the Machines, qui donne Rage Against the Machines. Je ne sais pas si le groupe l'a vraiment fait exprès ou pas, mais en tout cas, il s'agit d'un joli pied de nez. On va passer tout de suite le morceau Cross the Line, toujours ce Rage emmené par l'indéboulonnable P.V. Wagner, toujours là depuis maintenant une quarantaine d'années, malgré les nombreux changements de line-up du groupe, il est toujours au turbin, ce bon vieux, et le groupe n'a pas vraiment changé d'épaule, de fusil d'épaule plutôt, avec toujours ce heavy trashy et bien entendu très allemand dans la manière de composer. Rage Cross the Line tout de suite sur Overdrive Radio Duo. We'll be right back. Voilà pour le groupe Rage, et on continue tout de suite avec Let There Be Light par ce Another Realm, dans une veine beaucoup plus prog rock. Thank you. Vous venez d'entendre le groupe Métral, Métral avec ce fou, un lié sorti sur le label MNO Music. Tout de suite, on repasse au groupe Grandma's Ashes qui nous sortira le 24 octobre prochain son dernier album Bruxism. Il s'agira ici d'un trio qui mélange pas mal de, d'influences différentes. On est ici sur un côté assez rock, mais qui n'oublie pas bien sûr le métal, avec des growls qui sont effectués par la chanteuse. On va diffuser l'un des premiers singles diffusés extraits de cet album. Il s'agira Hop, voilà. Morceau. Sense Kiss, tout de suite extrait de cet album. Bruxism par le groupe Grandma's Ashes. Vous écoutez toujours Overdrive Radio Duo. Grandma's Hatches, tout de suite sur Overdrive Radio Duo, il est maintenant 22h passées de 15 minutes. Vous êtes toujours à l'écoute des programmes du soir de Radio Duo, de la musique qui pulse tout le style. Et maintenant, on va passer au un peu groupe de metal Testament avec son dernier album du gros son, un retour de Chuck Billy bien en voix, un nouveau batteur également ensuite au départ de Gene O'Glan qui est repart tourné et puis également ensuite de retourner bien entendu reformer Dark Angel et ensuite du batteur Dave Lombardo qui a lui aussi énormément de projets différents et notamment des albums, des projets de, on va dire, un peu plus solo, basés autour de la batterie. Donc pas mal de choses différentes. On va s'envoyer ça tout de suite sur Overdrive avec de l'excellente musique. J'ai pas le temps de caler ça dans Overdrive. Extrait de cet album Parabellum, ce sera le morceau High Noon qu'on écoute tout de suite sur Overdrive. Toujours de l'excellent son. Ici, on va dire Alex Kolnick, toujours au top de sa forme également, qu'on va écouter tout de suite et envoyer ça encore une fois dans quelques petits instants, une fois que platine démarre. Petite erreur, on va reprendre faux départ là pour encore une fois, désolé pour morceau de Testament qu'on va reprendre depuis le début, écouter, mais cette fois dans de meilleures conditions. Vous écoutez toujours Overdrive, Radio Duo et encore une fois désolé. High noon, death soon. Drinking is risky. Yes, vraiment excellent que ce Testament tout de suite avec ce High Noon. Quelque chose qui me rappelle un certain un album comme The Gathering paru en 99, il me semble, où on retrouvait un Chuck Billy qui avait une voix un petit peu différente, des influences peut-être un peu plus death metal. C'était un excellent album sur lequel on retrouvait James Murphy à la guitare ainsi que Dave Lombardo, bien entendu, à la batterie. On ne peut pas ne pas parler du dernier album de Coroner qui s'annonce comme étant l'une des grosses bombes de l'année. Et j'ai décidé de passer le morceau Symmetry tout de suite sur Overdrive, Radio Duo, qui est l'un des très bons titres de cet album. Il me tarde de l'avoir sur la platine pour l'écouter en entier tellement il s'annonce plus que banger. We'll be right back. Yes, vraiment excellent que ce Coroner tout de suite avec le morceau Symmetry. Vraiment, ça devrait être l'une des grosses sorties de cette fin d'année sur Overdrive, sur Overdrive et puis sur le métal même en général. Bien entendu, vous écoutez toujours Overdrive, il est quasiment 22h passées de 30 minutes. Maintenant, on va passer au groupe après Testament Coroner. On va rester dans le trash, mais cette fois à tendance un petit peu plus hardcore avec Biohazard et Divided We Fall, extrait de son dernier album, le retour de Evan Shenfield, bien entendu toujours Billy Bio Powerflow, également la bande de Joyeux Drill au complet, et ce sera le morceau Forsaken qu'on va écouter tout de suite sur Overdrive. Piece of mind, it's trying to breathe. The rhythm moves, this misery. To find the cure. Vous venez d'entendre le groupe The Wretched, Wretched avec ce morceau Royal Body, tout de suite sur Overdrive, Overdrive. Il est temps maintenant de passer sur quelque chose d'un petit peu post avec ce groupe Cranials qui nous a sorti cet album Structures tout de suite. Et on a ici affaire à de longues plages musicales. Donc j'espère que vous êtes prêts pour un long voyage au sein d'une boîte crânienne avec le groupe Cranials, tout de suite, tout en ambiance et assez fantomatique en même temps. De quoi gamberger un petit peu dans Overdrive, Radio Duo, Cranials avec le morceau Structures. Et après cette longue place musicale, il est temps de passer au groupe Perturbator avec ce morceau Lunacy, tout de suite sur Overdrive Radio Duo. Dans une veine beaucoup plus électro. Voilà, très perturbateur, on va revenir à des terres plus classiques avec bien sûr qui sont ce kit sur ce Black Diamond. Et on se dit à la semaine prochaine, même heure, même fréquence pour 90 minutes de musique qui pulse. C'est le son de Black Diamond et encore une fois, on a une pensée pour Ace Frehley qui est tout bêtement décédé à 74 ans hier. Quel talent, quelle, on va dire, motivation pour de nombreux guitaristes à prendre une guitare qui est bien sûr sur le Lightning Cult, Ace Frehley, Peter Criss, Paul Stanley et bien sûr Gene Simmons. On rappelle le www.radiodio.org, on rappelle le www.facebook.com/overdrive-radiodio, les podcasts sur Mixcloud et archive.org. Merci, ciao, bye bye. Shit.